Ouais, X-Nico, écoute la vérité de mes mots. Je suis un mec sème comme toi, gros. Est-ce que c'est pour ça que je me vante, pour ça que je fais le beau? Non, tout ça, je m'en fous. Une pensée, le rap, c'est tout. Quand je vois ce zik, caoutchic, deux beaux gosses pour le prix d'un, j'ai mal au cœur et j'ai envie de vaut. Rien, oublie, mais voir c'est faux. Rien, je me dis, même ma grand-mère a sa chance dans le rap. Et que le rap de merde devrait passer à la trappe. Car des gens sincères rap dans l'ombre, pendant que d'autres hommes prétendent faire du bon rap. Bonhomme, mais ce sont des pommiers, et le commercial est leur pomme. Premier, je veux arriver sans que le fruit de mes pensées se transforme en arme. Ou en machine à dénoncer, femme, enfant, personne âgée, mec, ado, ennemi juré. Écoute la vérité de mes mots qui sortent de ma pensée. Derrière l'argent se cachent les guerres, derrière les guerres se créent les cimetières, derrière les croyances se cachent les conflits se créent le racisme, derrière X-Nico se cache la DL Show, derrière la DL Show, la vérité des mots. Un mensonge pour sauver, j'avoue je l'ai déjà fait. Mais pas lorsqu'il y a des biens en jeu. Feu, c'est facile de leurrer la paix. Quand on a juste le bouton à presser. Pour que feu, une pluie de missiles à volonté. La vérité, c'est que ceux qu'ils méritent ne sont toujours pas récompensés. J'espère bien vite avoir une petite place à Saint-Tropez. Là où les stars vivent trop près des plages télévisées. Qui cherchent à nous tromper, nous détourner des choses bien plus importantes. Comme le meurtre d'un gosse à bout portant. Pourtant, on est censé vivre dans un monde rassurant. Mais l'inégalité est surtout mise en avant. Moi je veux juste une place au panthéon. Du rap comme un caméléon. Je frappe dans l'ombre mais sur la vérité qu'on cache. Derrière l'argent se cachent les guerres. Derrière les guerres se créent les cimetières. Derrière les croyances se cachent les conflits. Derrière les conflits se crée le racisme. Derrière X-Nico se cache la DL Show. Derrière la DL Show, la vérité des mots. Tu pourras dire ce que tu veux, que je suis un mytho ou un bleu. Mais en attendant autour de mon feu de rime, réchauffe-toi la mémoire. N'oublie jamais X-Nico, la DL aux couleurs noires. Et si t'as envie de me frapper, d'accord, on le fera après. Car pour le moment je suis occupé à frapper mes textes sur le papier. Tout ça pour montrer ce que X-Nico fait, ce que X-Nico pense. C'est que derrière chaque mot se cache un sens. Mais que derrière mon rap, c'est la vraisemblance des mots et de la naissance de la DL Show et CMC en concurrence avec les autres rappeurs au gourance. La vérité des mots, ouais ouais, là où commencent mes chansons, c'est vrai.